Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, le retour de la guerre civile en Irlande du Nord qui plane sur la Grande-Bretagne post-Brexit. Alors que le deuil du mari de la reine du Royaume-Uni nourrit la presse anglaise, le retour des violences urbaines en Irlande du Nord lui impose une concurrence féroce. Après plus d'une semaine de violences entre unionistes et nationalistes, les responsables des deux communautés ont appelé à l'apaisement, plus précisément Michelle O'Neill, la vice-première ministre et vice-présidente du Sinn Féin, le parti nationaliste catholique et républicain, a appelé la jeunesse à ne plus prendre part aux affrontements. Si le retour d'une frontière en mer entre les deux Irlandes liée au Brexit inquiétait déjà, ce sont les funérailles de Bobby Story, un ancien membre de l'IRA, qui ont servi de levier au retour de la violence. L'enterrement, organisé à Belfast en juin 2020, en violation incontestable des mesures de restriction sanitaire, avait été suivi par un peu moins de 2000 participants que la police a décidé début avril de ne pas poursuivre en justice. Une indulgence considérée comme une inégalité de traitement qui ne passe pas du côté des loyalistes partisans de la couronne britannique, mais une mesure probablement décidée pour éviter de plus grandes atteintes à l'ordre public, déjà sensible en tolérant ce dernier hommage. Bobby Story représentait cette part de la génération des anciens combattants de l'IRA qui a transformé son engagement armé en militantisme politique après la fin de la guerre civile, avec le prestige du vétéran emprisonné à de multiples reprises dès son adolescence et impliqué dans la très spectaculaire évasion de la prison de Maze en 1983 lorsque 38 prisonniers républicains s'en sont évadés. Un exploit au regard de l'histoire carcérale britannique qui annonce aussi son retour derrière les barreaux, dont il est libéré l'année même de la signature des accords de paix en 1998. Bobby Story a passé près de 20 années en prison avant de s'engager dans un militantisme plus conventionnel jusqu'à devenir président du Sinn Féin. La tolérance policière lors de son enterrement donne une idée de la place de la mémoire de ses combattants, ignorée avec une grande application au plus fort de la répression dans les années 80 par la première ministre de l'époque, Margaret Thatcher, impassible face aux grèves de la faim meurtrière des détenus, aux conditions de détention exaspérées par les protestations des prisonniers qui revendiquaient leur statut politique. Au-delà de ces actes de résistance, entrés dans la légende de l'héroïsme nationaliste, la guerre civile nord-irlandaise a fait 3500 morts en 30 ans, une guerre dont la mémoire ressurgit aujourd'hui au sein d'une génération qui ne l'a pourtant pas vécue. Mais c'est aussi l'importance de cette après-guerre civile qui réapparaît à travers ce conflit ravivé par une frontière et des funérailles. À quelques semaines du centenaire de la création de l'Irlande du Nord, que l'on commémore en mai, la mémoire de cette guerre civile n'aura jamais été plus présente dans les esprits britanniques qu'en ce moment. Le journal de l'histoire est à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.